إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on reprend à partir de l'endroit où on s'est arrêté hier au sujet de l'iman dans durus min al-Qur'an al-Karim du Cheikh al-Fawzan, et on a terminé d'expliquer les cinq piliers de la foi, les six piliers de la foi. Et là, on continue des explications que le cheikh va donner en mentionnant des preuves et des exemples du Coran pour montrer la définition et les conditions et les piliers de la foi dans le Coran. Donc il dit « وهذه الأركان ذكرها جل وعلا في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. C'est le verset 177 dans Al-Baqarah. Donc le cheikh il dit les six piliers de la foi qu'on a mentionné, ils sont mentionnés dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans plusieurs versets. Parmi ces versets, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, la piété ou la bonté ne consiste pas à tourner son visage vers l'est ou vers l'ouest, mais plutôt la bonté consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc, on voit que dans ce verset-là, il y a une explication des six piliers, des piliers, malgré que on mentionne pas Al-Qadar nécessairement dans cette série d'articles de la foi. Toutefois, il y a d'autres versets où on mentionne la foi. Donc, dans ce verset-là, il y a mention des cinq piliers. Le Cheikh dit ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ خَمْسَةَ أَرْكَانَ. Donc, il y a cinq piliers qui sont mentionnés dans ce verset-là. Et le cheikh il dit وَذَكَرَ الْقَدَرَ فِي آيَةٍ أُخْرَى فَقَالَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit toute chose nous l'avons créée dans une mesure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose dans une mesure, بِقَدَر. Donc ça implique la foi en Al-Qadar, la prédestination. Après, le cheikh il dit وكذلك ذكر الله هذه الأركان في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فهذه أربعة أركان. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a également mentionné les piliers de la foi dans d'autres versets, comme par exemple le messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, de même que les croyants, ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, et ils ne font aucune distinction entre aucun de ces messagers. Donc dans ce verset là il y a une mention de quatre parmi les articles, les piliers de la foi. Ensuite le cheikh il dit وَالْيَوْمُ الْآخِرِ تكرر ذكره في القرآن في القرآن بكثرة بل إن الله جل وعلا يقرن الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به سبحانه وتعالى كثيرا مثل قوله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne la foi en l'au-delà, la foi en l'au-delà, al-yawm al-akhir, eh ben il y a beaucoup de répétitions de ce pilier de la foi là, et il est souvent mentionné dans le Coran en même temps que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? À chaque fois, souvent on retrouve ça, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il l'associe ou il réunit tout de suite avec la foi en le jour dernier. Donc il mentionne par exemple un verset dans Surat al-Ma'ida, le verset 69, qui dit Man amana billahi wal yawm al-akhir wa amila saliha. Donc c'est-à-dire celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier et qui fait des bonnes œuvres. Donc ça veut dire que on retrouve ces articles de la foi souvent mentionnés ensemble. Ensuite le cheikh il dit wa zakara Allah jalla wa ala al-iman bil rusul wa bil kutub fi qawlihi ta'ala قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم فلا بد من الإيمان بهذا كله. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a également mentionné la foi en les messagers et en les livres dans la parole où il dit dites, nous croyons en Allah et ce qui a été révélé sur nous et ce qui a été révélé sur Abraham et à Ismaël et à Ishaq et à Yaqub et aux tribus et ce qui a été donné à Moïse et à Issa et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Hein? Ça c'est dans le verset 136 de Surat al-Baqarah. Le cheikh il dit et donc c'est nécessaire c'est, et on n'a pas le choix, on est obligé de croire en toutes ces choses là qu'il a mentionnées. Après le cheikh il dit وَلَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهَذِهِ الْحَقَائِقِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ وَذَكَرَ صِفَاتِهِمْ وكثيرا ما يناديهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا ثم يأمرهم وينهاهم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié dans le Coran les croyants. Allah a glorifié les croyants, ceux qui croient en ces réalités là que nous venons de mentionner, et il a parlé en bien d'eux, il a mentionné tous leurs bienfaits et il a mentionné leurs caractéristiques. Hein? Et souvent on retrouve que dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala les appelle par le nom ou par le titre de Al-Iman, hein? Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui ont cru. Donc c'est une façon comment Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à eux, ceux qui ont cru, et par la suite il leur commande de faire quelque chose ou il leur interdit de faire quelque chose. Comme par exemple le cheikh il dit qu'à qawlihi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Donc ça c'est un verset dans sourate 135 sourate An-Nisa le verset 135. Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh vous qui avez cru, ya ayyuha alladhina amanu, soyez stricts dans la justice et témoins comme Allah subhanahu wa ta'ala vous le demande, même si c'est contre vous-même ou vos deux parents ou bien des proches. Hein? Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala nous commande d'être juste et d'être des témoins justes également, et de faire ça comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut de nous, et même si c'est contre nous-mêmes, hein, même si le témoignage qu'on va donner est contre nous-mêmes, il faut être juste et il faut dire la vérité, ou même si c'est contre un parent ou contre des proches. Hein? Et ensuite, il mentionne un autre verset qui dit وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez à son messager, au messager, et ne rendez pas vos œuvres vaines. La tubtilu a'malakum. Donc, encore une fois, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens par leur titre de croyants. Ya ayyuhallazina amanu. Dans un autre exemple qu'il donne, ce verset-là, c'est dans le verset, dans Surat Muhammad, le verset 33. Maintenant, il donne un autre verset qui dit Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullah. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. Le verset 18 dans sourate Al-Hashr. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah, Allah certes est bien informé de ce que vous faites. Donc ça c'est encore une fois un exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens par leur titre de mu'minin, par leur titre de croyant. Et donc, il faut, comme les salafs disaient, lorsque tu entends un verset qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu, alors porte attention et prête ton oreille, parce que c'est sûrement quelque chose qui va être ordonné ou quelque chose qui va être interdit. Donc, il faut faire attention et bien porter attention pour écouter comme il faut, pour comprendre ce qui va suivre. Il mentionne un autre exemple ici après le cheikh il dit وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلى غير ذلك. Donc le verset dans sourate Al-Ma'ida, le verset 87, le cheikh dit, il mentionne ce verset là qui dit ô vous qui avez cru, n'interdisez pas les bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala vous a rendues licites et permises, et ne transgressez pas. Allah certes n'aime pas ceux qui transgressent, et ainsi de suite. C'est-à-dire il y a beaucoup d'autres versets de ce genre qui mentionnent qui s'adressent aux gens par leur titre de mu'minin ou de croyant. Maintenant, le cheikh il commence maintenant à mentionner les attributs, les caractéristiques des mu'minin dans le Coran. Il dit وَتَارَةً يَذْكُرُ صِفَاتٍ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ça c'est dans sourate Al-Anfal, verset 2 au verset 4. Le cheikh il dit que parfois Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les caractéristiques ou certaines caractéristiques parmi les caractéristiques des mu'minin. Comme par exemple dans le verset qu'on a mentionné, qui dit certes, les croyants sont ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, ou lorsqu'on leur rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite de ces versets, leur foi augmente et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ce sont ceux qui ont établi la salat et qui donnent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme subsistance. Ceux-là sont les vrais croyants. Ulaika humul mu'minuna haqqan. C'est-à-dire ceux-là sont en vérité les croyants. Et ils ont certes des degrés très élevés auprès de leur Seigneur et un pardon et une grande subsistance une généreuse subsistance qui va leur être attribué. Naam. Donc le cheikh il dit هذه من اعظم الصفات التي خص بها المؤمنين. Donc le cheikh il dit que ça fait partie des parmi les plus grandes caractéristiques par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrit et il a décrit et expliqué les attributs des vrais mu'minin. Et quand on lit des versets de ce genre qui décrivent les les attributs ou les caractéristiques des croyants, et c'est pour en réalité inciter les croyants à adopter ces attributs-là et à essayer de les mettre en application et de se forcer à essayer de les retrouver en soi-même pour être capable de rentrer dans la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait des vrais mu'minin. C'est-à-dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux gens en disant, par exemple, ya ayyuha alladhina amanu, ou bien en disant, innamal mu'minun, hein, certes, yani, oh vous les croyants, ou certes, les croyants sont ceux qui font telle ou telle chose, eh bien, en réalité, c'est pour nous dire en même temps, eh ben, faites ces choses-là, et vous allez être parmi ceux qui sont décrits dans ce verset comme étant des mu'minin. Et appliquer et écouter et mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il s'adresse à vous par le titre de mu'minin pour que vous soyez ou pour que vous faisiez partie pour faire partie dans le but que vous soyez parmi ceux qui méritent cette caractéristique là et qui méritent ce nom, c'est-à-dire le nom d'être un croyant. Après, le cheikh il mentionne un autre verset. C'est dans Surat al-Mu'minun, les premiers versets de cette surah, de 1 à 11, il dit: وَقَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Donc le cheikh il mentionne ce verset qui dit: certes les croyants sont ceux qui ont le succès, yani. Ceux qui sont très concentrés dans leur salat, hein, ils sont khashi'un, ils sont humbles dans leur salat, leur cœur est concentré. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, ceux qui se détournent de toute distraction, de toute perte de temps et futilité. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, ceux qui donnent la zakat, et ceux qui protègent et qui gardent leur partie génitale de toute turpitude, de toute fawahish, des péchés, l'adultère, la fornication, des choses de ce genre, excepté pour leurs épouses et celles que leur main droite possède parmi leurs esclaves, car ceux-là, ils ne sont pas blâmés. Hein? Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et ceux qui cherchent à transgresser ou à dépasser ces limites-là, c'est-à-dire à avoir des satisfactions de leurs désirs sexuels en dehors d'avec leurs épouses et de ce que leur main droite possède, eh bien ceux-là sont les transgresseurs. Ceux-là sont les transgresseurs. Et ceux qui ont, par exemple, respecté qui respectent leurs engagements et leurs paroles, hein, et ceux qui sont stables et qui sont qui respectent régulièrement leurs prières et qui les font comme il faut et les préservent à temps et tout, donc ceux-là, ce sont eux qui seront les héritiers, et c'est-à-dire qu'ils vont hériter du Firdaus, c'est-à-dire ils vont hériter du plus haut niveau du paradis, et ceux-là ils demeureront dans le paradis pour l'éternité, pour toujours. Donc ça, c'est l'explication de ce verset dans le Coran. Après, le cheikh il mentionne un autre verset également qui dit: وَقَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Le cheikh il dit: les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas eu de doute, puis qui ont combattu ou qui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Et ceux-là sont les véridiques. D'accord? Donc, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, les versets qu'on a lu tout à l'heure et celui-là, on retrouve une grande quantité de caractéristiques des mu'minoun. Et donc, il faut essayer, comme j'avais dit tout à l'heure, de les adapter et de les, c'est-à-dire de les retrouver en nous-mêmes et de les appliquer pour qu'on fasse vraiment partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant des mu'minis. Ensuite, il mentionne un autre verset qui dit وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. Donc c'est pour dire les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, et lorsqu'ils sont avec lui et qu'ils sont en train ils sont réunis en train de faire une chose, ils ne s'en vont pas sans avoir demandé la permission, sans lui avoir demandé la permission de quitter. Hein? Subhanallah. On voit dans ça une bonne attribut, une bonne caractéristique des mu'minines, que lorsqu'ils sont dans une assemblée ou dans une chose, ils sont réunis et qu'ils sont en train de faire quelque chose et qu'ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne quittent pas sans avoir demandé la permission. Ça, c'est le verset 62 dans Surat An-Nur. Et je me souviens, quand j'étais à Toronto, et que les chouïrs du Yémen sont venus, chaque fois qu'on écoutait le dars, s'il y avait un frère qui voulait sortir ou quitter le dars pour une raison quelconque, et on voyait les frères lever la main et chercher et demander la permission au cheikh ou bien s'excuser au cheikh pour dire je suis désolé, je dois aller quelque part, et on les voyait, ils levaient la main, quand le cheikh les regarde, il leur faisait un signe et puis on les voyait quitter, c'est-à-dire ils quittaient pas sans demander au cheikh avant de quitter, parce que des fois c'est impoli pendant que le cheikh est en train d'expliquer quelque chose que quelqu'un se lève et qu'il s'en aille sans rien dire comme ça. Donc c'est un verset très intéressant ici. Après, le cheikh il dit وقال تعالى وصفا لهم بولاية بعضهم بعضا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Donc le cheikh il mentionne un autre verset et il dit وقال تعالى, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit en décrivant le fait que certes, les croyants sont des alliés les uns pour les autres, il les décrit en disant et les croyants et les croyantes sont les alliés les uns les autres. Donc les hommes croyants sont les alliés des femmes croyantes, et les femmes croyantes, ainsi de suite, vice versa, les femmes croyantes sont des alliées des hommes croyants. Ils sont pas des opposés ou comme les koufars avec leurs idées de féminisme et tout, là, qui mettent les hommes contre les femmes et les femmes contre les hommes. Non, les mu'minoun, alhamdulillah, et les mu'minat, ils sont des alliés les uns des autres. Ils sont pas les uns contre les autres. Il n'y a pas d'attitude d'essayer d'un groupe qui essaie d'écraser l'autre. Donc le cheikh il les décrit en disant ils commandent le bien et ils interdisent le mal, al-munkar, et ils établissent la salat et ils donnent la zakat et ils obéissent à Allah et à son messager. Voilà la description des mu'minoun. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ulaika sayarhamuhumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sur ceux-là qu'il va mettre sa miséricorde. Et Allah est certes puissant et sage. Après, le cheikh il dit, Wa qawluhu wal mu'minuna wal mu'minat, ay dhukuran wa inathan. Les croyants et les croyantes, c'est-à-dire les mâles et les femelles, les hommes et les femmes. Ba'adhum awliya u ba'ad, ay kullu wahidin. ولي للآخر بالمحبة والمناصرة والإعانة على الخير فهو يتولى أموره وينصره إذا أهين وأوذي ويعينه إذا احتاج ويذكره إذا نسي ويحب له ما يحب لنفسه فهو وليه أي بينهم بينهم ولاية يعني محبة ونصرة. Donc le cheikh donne l'explication de qu'est-ce que ça signifie quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ils sont alliés les uns des autres. Il dit le cheikh que chacun d'entre eux est un allié ou un ami hein, ou un supporteur de l'autre par l'amour, le fait qu'ils s'aiment entre eux parce qu'ils sont des mu'minines, par l'al-munasara, du fait qu'ils se viennent en aide et ils se portent secours les uns avec les autres et ils s'entraident. Al-i'ana ala al-khayr, ils cèdent mutuellement dans le bien et ils se chargent les uns des affaires des autres hein, mutuellement. Et ils se viennent en aide lorsque si quelqu'un, par exemple, si un d'entre eux se fait humilier ou se fait faire quelque chose de mal, eh bien, il lui vient en aide. Il ne le laisse pas se faire humilier ou se faire écraser, il vient en aide. Et il l'aide lorsqu'il a besoin de quelque chose. Et si lorsqu'il oublie, il lui rappelle. Et il aime pour lui ce qu'il aime pour lui-même. Voilà la définition du wali. Hein, c'est celui-là qui est son allié ou son ami ou son supporteur. Ay baynahum wilaya, yani mahabba wa nusra. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit que quelqu'un est ton wali, ça veut dire qu'il y a entre vous deux une wilaya, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour et il y a le fait que vous vous secourez dans la vérité et vous vous entraidez dans le bien. Après, le cheikh il continue l'explication du verset. Ce verset qui est dans le verset 71 dans sourate At-Tawba. Il dit قَوْلُهُ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفُ وَيَنْحَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ. Ils commandent le bien et ils interdisent le mal. Il dit hey, يَأْمُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْمَعْرُوفُ وَيَنْهَاهُ عَلِ الْمُنْكَرِ وَيَأْمُرُونَ غَيْرَهُمْ أَيْضًا مِنَ الْكُفَّارِ والمشركين والمنافقين يأمرونهم بالدخول في الإسلام ويدعونهم إلى توحيد الله عز وجل وينهون عن المنكر من الشرك والكفر والمعاصي والمخالفات. Donc le cheikh il dit qu'est-ce que ça signifie quand Allah dit qu'il commande le bien et qu'ils interdisent le mal? Ça signifie qu'il commande ils se commandent entre eux, ils se commandent mutuellement le bien et ils s'interdisent mutuellement le mal et ils commandent également aux autres, c'est-à-dire aux kuffars et aux mushrikines et aux munafiqines. Ils leur commandent d'entrer dans l'islam et ils les appellent au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils leur interdisent le munkar, c'est-à-dire les péchés et al-shirk et al-kufr et al-ma'asi et al-mukhalafat, le kufr et le shirk, et les péchés. Donc, ça, c'est les choses qui sont obligatoires. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils peuvent penser que, bon, c'est vrai, entre musulmans, on s'ordonne le bien, on s'interdit le mal, mais avec les kuffars, on peut laisser faire, et puis on n'est pas obligé de les appeler et de leur donner, de faire al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Et comme on sait, le plus grand munkar, c'est al-kufr wa shirk. Il n'y a pas plus grand munkar que ces deux choses-là. De l'autre côté également, le ma'rouf, hein, il y a toutes sortes de formes de ma'rouf, c'est-à-dire de bonnes choses. Et le plus grand ma'rouf, c'est quoi? C'est le tawhid. Donc, la première chose qu'on fait vis-à-vis des kuffars et des mushrikines et des munafiqines, c'est de leur interdire le shirk et le kufr, qui sont les choses qui les amènent en enfer éternel. Donc on leur interdit ces péchés-là parce que c'est les plus grands, en commençant par ça. Puis on leur ordonne le plus grand bien, qui est le tawhid. Parce que si on les appelle, si on leur commande par exemple, on leur commande de faire autre chose de bien, qui sont moins fondamentales que c'est le bien du tawhid par exemple, eh bien ça ne changera pas la réalité que ce sont des kuffars et des mushrikines, même s'ils font le bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas les actions des mouchriquins et des kuffars tant qu'ils n'ont pas abandonné leur kufr ou leur shirk. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonnera jamais. Donc c'est logique dans ce cas-là qu'on commence par ça et qu'on les appelle premiers à accepter le tawhid. De même que le plus grand munkar, c'est le shirk. Donc peut-être tu vas voir certains parmi ces mouchriquins et ces kuffars, tu vas en trouver parmi eux qui boivent de l'alcool et qui font le zina et qui font toutes sortes d'autres péchés. Mais le plus grand péché qu'ils font, c'est le shirk billah. Donc, même si tu les vois en train de faire d'autres péchés, mais c'est important toujours de leur expliquer et de commencer par le tawhid. Parce que s'ils meurent dans le shirk, ils vont en enfer éternel. Mais s'ils meurent sur le tawhid avec des péchés, eh bien, ils sont sous la miséricorde d'Allah ou sous sa volonté, c'est-à-dire, ils sont sous sa volonté. Soit si Allah veut les pardonner par sa miséricorde, il va leur pardonner. S'ils sont des mouahidines, ils n'ont pas fait de shirk, ils ont cru en Allah et en l'islam, mais ils ont fait des péchés, eh bien, ils peuvent rester quand même sous la volonté d'Allah, dans le sens qu'ils peuvent être pardonnés et ils peuvent être punis. Et même s'ils sont punis et qu'ils entrent en enfer, eh bien, ils ne vont pas rester éternellement en enfer, car personne qui possède un minimum ou un atome de bien dans son cœur ou de foi, personne d'entre ces croyants-là, même s'il a une foi faible, personne d'entre eux va demeurer éternellement dans l'enfer tant qu'il a été sur le tawhid. D'accord ? Ça c'est une petite note. Et le cheikh après il dit wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wan nahyi 'anil munkar min a'zami sifat al mu'minin. ولذلك كان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دليلا على ضعف الايمان وعدمه كما قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وفي روايه وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. Donc le cheikh il dit que d'ordonner le bien et d'interdire le mal sont parmi les plus grandes caractéristiques des croyants. Et c'est pour cette raison-là que le fait d'abandonner l'ordonnance du bien ou de commander le bien et d'interdire le mal, c'est une des plus grandes preuves de la faiblesse de la foi de quelqu'un ou bien même de l'absence totale de foi d'une personne. Comme le cheikh il dit, il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim, qui dit: celui d'entre vous qui voit un munkar quelconque, alors qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas, alors qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. D'accord? Et dans un autre hadith, il y a une autre version du hadith qui dit: et après ça, c'est-à-dire après l'inkar bil qalb, après avoir rejeté ou interdit le mal par le cœur, il n'y a pas un atome ou une graine de moutarde de foi dans le cœur d'une personne qui n'a pas interdit le mal par son cœur. C'est le minimum. Et yani, bien entendu, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est obligatoire, mais il faut le faire avec ilm, hein, avec connaissance. On ne fait pas l'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar si on est ignorant. Hein, il faut savoir qu'est-ce qui est munkar et qu'est-ce qui est ma'ruf pour pouvoir le faire. Et également, il faut avoir al-hikmah, il faut avoir la sagesse. Il faut savoir, yani, quand est-ce qu'il faut le faire et dans quelle situation pour que ça ne crée pas une plus grande fitna ou plus grand munkar que celui qu'on veut interdire. Hein? Parce que si tu sais que, par exemple, quand tu vas aller interdire quelque chose, ça va amener un plus grand mal, eh bien là, dans ce cas-là, tu le laisses. Hein? Et les ulama, ils ont une règle qu'ils ont établie qui dit « daf'ul mafasid muqaddam ala jalb al masalih » d'éloigner un mal à précédence sur le fait d'amener un bien. Et puis il y a également d'autres règles dans ce genre qui font comprendre que si tu vas faire un plus grand mal, c'est mieux de laisser le bien, malgré que tu penses qu'en faisant le bien tu vas amener un plus grand mal, alors laisse tomber ce bien là, hein, pour pas amener plus de mal. Donc le cheikh il dit wafi riwaya. Ah oui, ça on a expliqué. Et après, il faut également avoir rifq, il faut avoir de la douceur. Quand on ordonne le bien, quand on interdit le mal, il faut aller avec gentillesse et douceur pour pas faire fuir les gens et pour pas être trop dur avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala il décrit ça dans le Coran, il dit wa law kunta faddan ghaliz al-qalb lan wa law kunta faddan ghaliz al-qalb. Le verset qui dit si tu étais dur de cœur et méchant avec eux, ben ils se seraient tous éloignés de toi. Donc ça veut dire il faut faire preuve de douceur et de sagesse. Et dans ce contexte-là, encore une fois, il faut aussi voir les circonstances et les conditions, parce que dans certains cas c'est bien d'utiliser de la dureté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran يا أيها الذين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. Dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala a commandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de dureté avec eux. Donc Allah dit dans un autre verset وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, et qu'il trouve de la dureté en vous. C'est-à-dire il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire preuve de douceur et quand est-ce qu'il faut faire preuve de également de dureté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Al-Ankabut, et ne disputez pas ou ne discutez pas avec les gens du livre, excepté de la meilleure façon, excepté ceux d'entre eux qui sont injustes. Et comme le Cheikh Al-Fawzan il a expliqué dans un de ses textes, il a expliqué, il a dit on doit être bon avec eux quand on discute et parler avec eux de la meilleure façon, excepté si on réalise que ces gens-là, ils veulent essayer de nous appeler à faire des concessions dans notre religion et à transiger et à abandonner des choses de notre religion pour leur faire plaisir. Alors dans ce cas-là, on peut utiliser de la dureté avec eux pour leur faire réaliser que ils ont aucun espoir de nous faire dévier de notre religion. Et parce que et il a mentionné ce verset-là qui dit excepté ceux d'entre eux qui sont injustes, avec ceux-là, tu peux utiliser de la dureté, de la fermeté pour leur faire réaliser que t'es pas bête, t'es pas naïf et innocent comme on dit, au point où tu vas accepter de transiger et de faire des concessions dans ta religion. Non, il y a des limites. Donc ça c'est très important de savoir. Et également avec les gens de Bid'a, il est bon parfois d'utiliser de la dureté selon le contexte et selon comment on peut analyser la situation. Si on voit que une personne elle s'oppose à la vérité et puis elle accepte pas le haq, et qu'on a essayé plusieurs fois de lui donner une nasiha et tout, puis que la personne n'écoute pas, mais dans ce cas-là, parfois c'est bon d'utiliser de la dureté plutôt que d'utiliser juste de la gentillesse. Il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte, puis essayer d'utiliser la meilleure façon selon le contexte. Après, le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Ils établissent la salat. Ay yu'addunaha fi awqatiha ma'a al-jama'a wa yuqimunaha zahiran wa batinan wa iqamatuha zahiran takunu bi ada'i shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mustahabbatiha wa yuqimunaha batinan bil khushu' wa hudur al-qalbi wa bihadhihi al-iqama madahahum Allah bi qawlihi qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Donc le cheikh il dit que quand Allah dit qu'ils sont ceux qui établissent la salat, c'est-à-dire que les croyants sont ceux qui établissent la salat, il dit, c'est-à-dire ils l'appliquent et ils le mettent en application dans son temps, chaque prière a son temps, avec la jama'a, c'est-à-dire en groupe, et ils l'établissent intérieurement dans leur cœur et extérieurement, c'est-à-dire avec la présence du cœur et avec le corps également, selon les règles de la sunna, et ils l'établissent ouvertement C'est-à-dire, le cheikh, il dit de l'établir ouvertement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de la faire selon ses conditions et ses piliers et ses obligations et les choses qui sont recommandées dans la prière, et de l'établir intérieurement, c'est-à-dire avec, comme j'avais dit, avec concentration et avec présence du cœur, hein. Et ceux qui l'établissent, la prière, de cette manière-là, c'est ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié en disant que les croyants ont certes eu le succès. Ce sont ceux qui sont humbles, hein, leur cœur est humble dans leur salat, ils sont humbles. Donc ça, c'est des descriptions de comment on doit établir la salat et comment on doit être dans la salat. Et il faut voir également dans ce contexte-là que il y a l'équilibre entre l'apparence extérieure et l'intérieur. Hein, certains musulmans, Allah al-Musta'an, ils connaissent pas la sunna, comment prier, les règles de la salat et la description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils essaient de dénigrer le fait de suivre exactement la description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que le plus important, c'est le cœur. Hein, et on entend souvent ces gens-là commencer à faire leur discours sur ya akhi, c'est pas important comment tu mets ton pied, comment tu mets ta main, comment tu mets ta tête, ou comment tu places ton doigt, ou l'important c'est le cœur. Eh bien, ça c'est un exemple de gens qui veulent essayer de dénigrer ou de rabaisser l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que, bon, bien entendu, peut-être qu'il y a l'autre extrême de ceux qui vont juste se concentrer sur l'application extérieure puis négliger la présence du cœur. Mais les deux extrêmes sont mauvais. Et il faut jamais laisser tomber ou se pencher d'un extrême à l'autre. Il faut être dans le juste milieu et savoir comment équilibrer ces deux-là. Il faut bien connaître l'exemple de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, il faut avoir la présence de cœur, et il ne faut pas dénigrer l'un ou l'autre, hein, comme certains qui veulent jouer là. Il y a beaucoup de soufis, hein, comme ça, ils approchent les gens avec ce discours, surtout les nouveaux convertis là. Ils arrivent avec eux, ils disent, ah, moi déjà même, je me souviens, on m'a déjà essayé de me faire cette approche-là, mais alhamdoulilah, Allah il m'a protégé de ces gens-là. Et ils arrivent avec toi, ils te montrent des exemples. Ah, il y a quelqu'un qui vient sur toi là dans la mosquée et te dit, pourquoi tu mets pas ton pied ici? Pourquoi tu mets pas ton pied comme ça? Et puis là, tu vois que les gens, la personne, elle réagit, elle dit, oui, c'est vrai, j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a parlé durement comme ça et tout. Alors, ils essaient de la rapprocher vers la bid'ah en utilisant des exemples comme ça, puis en disant, l'important, c'est le cœur. Et l'important, c'est le cœur. Yani, Allah al-Musta'an. C'est sûr que le cœur est important et que c'est fondamental, mais yani, il faut pas non plus dénigrer la salat. Et celui qui fait pas la salat selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est normal qu'automatiquement son cœur il aura moins de khushu' également. Hein? Le cheikh il dit ensuite, wa innama qala yuqimuna as-salah wa lam yaqul yusallun li'annahu laysa al-maqsud bis-salati as-surah faqat bal la budda an yuqimu as-salata ala hasabi ma amara Allah subhanahu wa ta'ala wala ala hasabi shahwati al-insan wa raghbatihi fayusalli mata ma arad wa yusalli kayfa ma arad bal la budda an yusalli kama amara Allah. Donc le cheikh il dit yani yuqimuna as-salata, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala pas dit yusallun, il n'a pas dit il prie. Allah a dit ils établissent la salat. Et donc le cheikh il spécifie que le but c'est pas uniquement de faire l'image de la prière, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les gestes et tout, mais il faut absolument établir la salat à la façon que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a commandé, et non selon les passions ou les désirs des êtres humains. Donc il faut prier comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, c'est-à-dire à des heures fixes et comme Allah l'a voulu, pas n'importe comment et pas comme nous-mêmes on veut. Et le cheikh il dit il faut prier donc comme Allah nous l'a commandé. Après il dit wa qawluhu wa yu'tuna az-zakata ay zakatu amwalihim li'annaha qarinatu as-salah wa la yamna'uhum من إخراجها البخل والشح في إعطائهم الزكاة مواسة للفقراء والمساكين. Donc le cheikh il dit qu'il donne de la zakat, ça fait partie des caractéristiques des mu'minun également, qu'il donne la zakat, et la zakat est le compagnon de la salat, hein? Donc il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils soient ensemble, et il faut pas que l'avarice, hein, et l'amour des biens viennent nous empêcher de faire sortir notre zakat. Donc lorsque tu le fais, lorsque tu la donnes, tu aides les pauvres, et etc., les indigents. Donc ça, c'est quelque chose de bien que Allah nous commande de faire. Après, le cheikh il explique l'autre partie du verset qui dit wa yuti'un Allah wa rasulah, et ils obéissent à Allah et à son messager. Il dit hadha amun fi jami'i ma amara Allah bihi wa ma amara bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit que quand Allah dit et obéissez à Allah et obéissez à son messager, ça c'est général pour tout ce que Allah a ordonné, de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam. وفي هذا دليل على وجوب العمل بالسنة. Dans ça il y a également une preuve de l'obligation d'agir selon la sunna, hein? Contrairement à ceux qui prétendent que tu peux être musulman sans suivre l'exemple de la sunna. Cheikh il dit لأن من لم يعمل بالسنة فإنه ليس مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui n'applique pas la sunna, il n'a pas obéi au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إنني لا أعمل إلا بالقرآن فقط هذا ليس مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بل ولا مؤمنا بالقرآن أيضا لأن الله أمر في القرآن باتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله شديد العقاب قال تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يتولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. Donc le cheikh il dit celui qui dit moi j'agis seulement selon le Coran, alors lui il n'a pas cru au messager. Pour qu'il soit croyant, il faut qu'il suive l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et le cheikh il dit que en plus de ça, non seulement il n'a pas cru au messager, mais il n'a pas non plus cru au Coran lui-même. Parce que le Coran nous ordonne de suivre la sunna et d'obéir au messager. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, hein, et ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, certes Allah est dur en châtiment. Et il dit dans un autre verset, dans Surat An-Nisa, le verset 80, et celui qui a obéi au messager, alors, certes, il a obéi à Allah. Et il dit par la suite, et celui qui se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé sur eux comme des gardiens. D'accord? Donc ça, c'est la suite. Puis ensuite, le cheikh, il termine le verset, l'explication de ce verset-là en disant, وَقَوْلُهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ أَيْ يَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ إذا رحمهم سعدوا سعادة لا يشقون بعدها أبدا. Donc le cheikh il dit que quand il dit que cela c'est sur eux que Allah mettra sa miséricorde, ça signifie qu'il va les remplir de sa miséricorde lorsqu'il va leur faire cette miséricorde là, ils auront le bonheur, ils auront un bonheur et ils n'auront plus jamais de malheur ou de tristesse ou quoi que ce soit après ce jour-là, et c'est-à-dire ils en auront plus jamais de tristesse, ils vont toujours être heureux et dans le bonheur par la suite. Donc ce sera le bonheur éternel. Ensuite le cheikh il dit wa hadhihi as-sifat al-madhkura lil-mu'minina hiya mudaddatun تماما لصفات المنافقين كما قال تعالى عنهم في الآيات التي قبل هذه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Donc le cheikh il dit que les descriptions qu'on a données des croyants dans le verset qu'on a expliqué, elles sont complètement en opposition aux attributs, aux caractéristiques des munafiqin, c'est-à-dire des hypocrites. C'est comme si c'est le parfait opposé des croyants. Là, c'est comme si, en même temps, il nous donne une description des hypocrites, des munafiqun. On en a parlé déjà, des gens de Nifaq, quand on a expliqué les 20 premiers versets de Surat al-Baqarah, et là, il nous donne d'autres exemples de munafiqun. Et un des bienfaits de l'explication qu'on a trouvé dans ce livre, c'est que on voit que le cheikh il nous donne l'explication et la compréhension des termes islamiques les plus importants, comme al-kufr, al-iman, al-shirk, al-nifaq, al-ikhlas, al-tawhid. Donc c'est des termes fondamentaux dans la religion. Que si on les a pas compris, on n'a rien compris. C'est les bases de la religion. Si quelqu'un connaît pas les différences entre ces termes-là qu'on utilise maintenant, eh ben c'est comme si il n'a rien compris de l'islam du tout, parce que c'est la base. C'est sur ces termes-là que tout l'islam tient. Donc là, il nous montre la différence entre les vrais croyants et les hypocrites. Les hypocrites, ceux qui disent avec la bouche, oui, on croit en l'islam, mais qui n'ont pas aucune foi dans leur cœur, ils détestent l'islam dans leur cœur, et ils souhaitent que les musulmans soient humiliés. Ils ont une joie de voir les croyants dans la misère. Et quand ils voient les musulmans ayant une victoire ou un succès, ils se remplissent de rage et de colère contre les musulmans. Donc ça c'est l'attitude des munafiqun. Et le cheikh il mentionne un verset dans Surat al-Tawbah, et c'est le verset 67-68 qui dit les munafiqun et les munafiqat, les hypocrites hommes et femmes, ils sont les uns des autres, ils sont les uns avec les autres, ba'duhum min ba'd. Donc yani, contrairement aux croyants, ils sont les alliés les uns des autres, tandis que ceux-là, ils sont les uns et les autres, ils sont les uns avec les autres dans leur nifaq. Et ils s'encouragent, comme le cheikh dit, ils s'encouragent dans le mal. Ya'muruna bil munkar. Ils commandent aux gens de faire le munkar. Donc si vous voulez savoir c'est qui les munafiqoun, regardez, est-ce qu'ils commandent le munkar ou le ma'ruf? Allah il dit à propos des munafiqoun qu'ils commandent le munkar. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Non seulement ils commandent le munkar, le mal, mais ils interdisent le bien. Subhanallah. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. Ils referment leurs mains. C'est-à-dire ils sont avares. Ils n'aiment pas partager. Ils n'aiment pas donner. Ils n'aiment pas donner fi sabilillah. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah les a punis en les oubliant lui aussi. C'est-à-dire ils ne s'occupent pas d'eux et il les égare de cette façon-là. Et après, il dit إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Les munafiqin, ce sont les pervers, les pécheurs, les gens qui transgressent. Après, il dit وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ. Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes, et aux kuffars, c'est-à-dire aux mécréants, le feu de l'enfer éternel. Ils y demeureront éternellement, et c'est ça qui leur suffit, c'est ça qui est bon pour eux, et ils seront maudits, ils sont maudits par Allah. وَلَعَنَهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Et ils auront un châtiment qui va demeurer. Ensuite, le cheikh il dit وَالْإِيمَانُ مِنَّةٌ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَمِنْحَ. قال تعالى يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Donc le cheikh il explique ici et il dit que la foi c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose qui vient directement de nous-mêmes comme si on dit ah moi je suis mu'min parce que je suis intelligent, je suis bon, j'ai compris par moi-même la vérité puis alhamdulillah donc je suis croyant et puis tout ça, non, tout ce que tu as de la foi et de ces choses-là c'est une grâce et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ce verset dans surat al-Hujurat, le verset 17, et il te rappelle leur conversion à l'islam, yamununa alayka an aslamu, c'est comme si il te mentionne qu'ils se sont convertis à l'islam, comme si ils te font une grâce en acceptant l'islam, comme si ils sont en train de te faire une faveur en acceptant l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète, dis-leur, hein, réponds, قل لا تمنوا علي إسلامكم, dis oui c'est ça, comme si c'était une faveur de leur part, dis ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur, hein. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Donc le cheikh il dit فلذا لا يضعه إلا في من يستحقه. Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça, il ne met pas la foi excepté en celui qui le mérite. لأنه سبحانه وتعالى حكيم. الله سبحانه وتعالى il est sage, hein? يضع الأمور في مواضعها, il met les choses à leur bonne place. فلا يضع الإيمان إلا في من يصلح له, il ne met la foi qu'en celui qui le mérite vraiment et pour qui c'est bon pour lui. فيمن به سبحانه وتعالى على من يشاء. Donc il donne cette faveur de la foi à qui il veut. La siyama man badala l'asbab, et en particulier ceux qui ont fait les efforts et les causes pour acquérir cette guidance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Et ceux qui ont été bien guidés, Allah subhanahu wa ta'ala les augmente en guidance et leur donne leur piété, leur taqwa. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Le verset 69 dans Al-Ankabut. Et ceux qui luttent dans notre religion, nous les guiderons sur nos chemins. Donc on voit que ceux qui font l'effort, ils seront guidés. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Donc ça veut dire, si tu veux être guidé, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais les efforts. Tu essaies de faire des efforts dans la religion d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes avec les gens qui sont muhsinin, c'est-à-dire les gens qui font le bien. ومن ثمرات الإيمان ما ذكره الله سبحانه بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وكذلك أنه إذا دخل المؤمنون في الجنة وكان الآباء في منزلة والأولاد في منزلة أخرى فإن الله يجمع بينهم حتى تقر أعين بعضهم ببعض وهذا هو معنى قوله ألحقنا بهم ذريتهم فضلا منه سبحانه بسبب الإيمان وذلك من تمام النعيم. Donc le cheikh il explique ici, il dit parmi les fruits de la foi que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, il dit que ceux qui ont cru et qui ont des enfants qui les ont suivis dans la foi, ils vont les faire rejoindre, ils vont les réunir avec leurs enfants. Ceux qui ont cru et que leurs enfants les ont suivis dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala va les réunir avec leurs enfants. Et le cheikh il explique ça en disant, et ça c'est le verset 21 dans Surat At-Tur, il dit que, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lorsque les croyants rentrent au paradis, et que les parents sont dans un niveau du paradis, et que les enfants sont dans un autre niveau du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va les réunir ensemble pour qu'ils se réjouissent de se revoir les uns les autres. D'accord? Donc ça montre que dans le paradis, il y a des possibilités de se réunir, même si on est dans deux degrés différents. Hein, parce qu'on sait que les croyants seront dans le paradis selon le degré de bonnes œuvres et de foi qu'ils avaient. Plus tu as de la foi, plus tu as de foi et de bonnes œuvres, plus tu vas être élevé dans le paradis. Tandis que d'autres parmi les croyants, eux, ben, peut-être qu'ils ont eu moins de foi et moins de bonnes œuvres, alors ils vont être plus bas dans le paradis. Mais malgré tout, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, eh ben, il va les réunir yani, pour qu'ils se réjouissent ensemble yani, dans le paradis. Et le cheikh il dit, « Fadlan minhu subhanahu bisabab l'iman » وذلك من تمام النعيم. Donc le cheikh il dit que ça fait partie des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va donner à certains de ses serviteurs à cause de leur foi. Et ça fait partie de la plus grande forme de bonté que Allah peut faire à quelqu'un. Hein? Donc ça y est pour aujourd'hui. On va arrêter ici et puis on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi prochain, bienvenillah, à la même heure. Et puis, c'est-à-dire, ici à Montréal, on va le faire à 9h ou 9h30. Bon, je vais voir si les gens sont là, parce que des fois, il y a d'autres cours en même temps et tout. Et puis, sinon, à Montréal, c'est à 9h30. En France, c'est à 3h30. Tout dépendamment. D'accord, donc je vous remercie pour aujourd'hui, pour avoir assisté, et puis alhamdulillah, j'espère que vous avez profité, et puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cet effort, de le rendre sincère pour lui, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter notre iman, et de nous protéger contre toute forme de shirk, toute forme de kufr, et toute forme d'égarement de la part des gens de bid'ah, de la part des kuffars et des mushrikines, et de la part des يعني منافقين يعني qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il nous protège يعني et qu'il nous aide dans la da'wa qu'on est en train d'essayer d'établir hein, et qu'il nous donne le succès et la force parce que toute personne lorsqu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala il va être testé et donc il faut faire preuve de patience et d'endurance et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah est suffisant. Allah nous suffit si on est des croyants. Donc, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.